Activité 9. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission C'est de l'art. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exposition sur Marie Laurencin, une femme peintre française célèbre. Marie Laurencin a peint des portraits de femmes au XXe siècle. Vous pourrez admirer les 90 tableaux de cette exposition du 21 février au 30 juin au musée Marmottan-Monet à Paris. La majorité de ces tableaux vient d'une collection privée du Japon. Pour aller au musée, il vaut mieux s'arrêter à la station de métro La Muette. Le billet coûte 10 euros pour les adultes salariés et 5 euros pour les étudiants. Vous pouvez réserver votre ticket sur le site internet du musée pour être sûr d'avoir une place. Bonne exposition !